Amoureux d'une cousine qui pouvait avoir 20 ans, je vivais, on le devine, le temps, le printemps, inquiétant, excitant. On se couchait sur la plage, c'était pas encore l'été, on avait l'air d'être sage, en vérité on l'était. Quel état que l'été met en moi, quel émoi. Et quel mois de mai. Pigeon vole, le ciel vole, chapeau vole, et vole aussi mon cœur plein de bonheur. Cheveux vole, herbe vole, dindon vole, et vole mon regard vers tes yeux noirs. Ah, quel vent du nord, qu'il fait bon dehors, qu'il fait beau et doux près de vous. Rentrons vite, ma petite, car j'ai peur à l'horizon de voir s'envoler la maison. Nous voici dans la chambrette, demoiselles et grands garçons, célébrons notre amourette, célébrons le moment. Sans maman, sans la bonne, sans personne. Bonjour l'ange de ma vie, la ninette et le toutou. Bonjour ma petite amie, ma Lily et ma Loulou. Ma Nini, ma Nounou, mon ami, ma chérie, mon rien et mon tout. Pigeon vole, le lit vole, chemise vole, tout tourne et vole autour de notre amour. Baiser vole, jambes vole, les mains vole, vole de beaux trésors, trésors en or. Ah, quelle émotion, ah, quelle passion, ah, quelle vigueur, quelle douceur. Il faut vite, ma petite, prévenir monsieur le curé avant qu'il ne soit envolé. Mais hélas, les beaux ménages se fâchent toujours, c'est curieux. Tout à l'heure, sur la plage, un monsieur, un peu vieux, l'air vicieux, t'a dit bien, tiens, tiens, tiens. Pour cette raison suprême, sans émoi, je suis parti. Alors tu m'as dit, je t'aime, j'ai répondu, c'est fini. Je m'en vais, loin d'ici, loin de toi, sans souci, sous un autre toit. Pigeon vole, larme vole, chagrin vole, je vais te mettre en pli, tu me supplies. Tu murmures, tu me jures, imposture, le petit vieux de la mer, c'est ton grand-père. Bon alors, je suis bon et doux, je pardonne tout, reviens dans mes bras, parle-moi. La rue vole, tout affole, tout chante dans tes souris. Pigeon volé, vive la vie.